bienvenue dans ce 8e numéro de 82 BPM, le podcast qui vous raconte l'origine d'une chanson. Je suis Yannick Doc et aujourd'hui je vais vous parler de Rock the Casbah des Clash. The Clash, c'est un groupe de punk britannique qui s'est formé en 1976 à Londres et séparé en 1985. À l'origine du projet, il y a Mick Jones, guitariste, et Paul Simonon, bassiste. Ils viennent de laisser tomber leur ancien groupe, London SS, et récupèrent leur ancien batteur, Terry Shimes, et ils recrutent Joe Strummer, chanteur et guitariste. D'ailleurs, la première rencontre entre eux est assez marrante. Mick et Paul avaient déjà vu jouer Joe avec son groupe, le 101ers. Ils se retrouvent au centre d'emploi pour retirer leur chèque de chômage. Joe voit deux gars qui le regardent, un peu bizarre. Il pensait qu'il allait se faire dépouiller au coin de la rue. Le dernier membre du groupe est un ami de Mick Jones, c'est le guitariste Keith Levin, mais il sera rapidement viré car il foutait pas grand chose. Bon, il se rattrapera plus tard dans le groupe Peel de Johnny Rotten des Sex Pistols. Le nom The Clash est une idée de Paul Simonon. On retrouvait souvent ce mot dans les journaux de l'époque, parlant de clash avec la police, clash entre catholiques et protestants, clash entre USA et URSS. Et c'est un nom qu'ils ont bien aimé et qui les caractérise bien. On retrouve d'ailleurs sur le verso de la pochette de leur premier album une phrase qui définit bien le groupe. Elle dit « La jeunesse, après tout, n'est pas une condition permanente et un clash de génération n'est pas aussi dangereux, fondamentalement, pour le gouvernement qu'il serait un clash entre gouvernants et gouvernés. » Ça calme, hein. Contrairement à d'autres groupes de l'époque, les textes des Clash parlent de problèmes quotidiens des gens. Ils sont très engagés, politisés, ils critiquent l'establishment, le système politique, les médias. Ils sont profondément pacifistes. Et leur style musical ne se limite pas au punk rock pur et dur. Ils n'hésitent pas à aller du côté du reggae, du ska, du rockabilly, même du hip-hop aussi vers la fin. Pour eux, la musique, ça doit être un moyen d'expression plus qu'un simple loisir. Suite à plusieurs désaccords, Terry Shimes, le batteur, quitte le groupe après la sortie du premier album. Il sera remplacé par Topper Eden, et on arrive ici à la formation dite classique des Clash. C'est elle qui va devenir The Only Band That Matters, le seul groupe qui compte. Revenons à Rock the Casbah. La chanson sort en 1982 sur le cinquième album des Clash, Combat Rock. Ils sont encore en tournée de l'album précédent quand ils écrivent celui-là, et ils sont exténués, des tensions commencent à apparaître, et l'harmonie du groupe n'est pas au beau fixe. C'est Topper qui va composer la quasi-intégralité du morceau. En fait, il est tout seul dans le studio, en train d'attendre les autres compères, et il bosse sur une mélodie qu'il avait déjà en tête. Il la joue au piano, ensuite il ajoute de la batterie, la basse. Il sait même pas en fait qu'il a enregistré. Du coup, l'ébauche plaît aux autres membres, et les parties de guitare sont ajoutées, et les paroles sont modifiées. Au début, celle de Topper, ça parlait de sa copine qui lui manquait énormément, un truc qui tournait un peu au porno. Bon, c'était très bateau, et ça collait pas du tout au style des Clash. Strummer avait en tête depuis quelques temps la phrase « Rock the Casbah », et le début des paroles est inspiré par leur manager qui trouvait leur chanson beaucoup trop longue, comme du raga, le style musical indien. Le morceau parle d'un roi du Moyen-Orient qui veut interdire à son peuple d'écouter du rock. Le peuple se rebelle en dansant et en chantant un peu partout, et il envoie son armée de l'air pour bombarder ceux qui violent cette interdiction. Bon, ça marche pas du tout, puisque même ces pilotes de chasse écoutent du rock dans leur cockpit. La chanson est inspirée de ce qui se passe en Iran après la révolution islamique de 1979. L'ayatollah avait interdit à son peuple d'écouter de la musique disco. La chanson, comme ce cinquième album d'ailleurs, est un énorme succès aux US. Elle est même mieux classée là-bas que dans les charts britanniques. Ce succès aux États-Unis va d'ailleurs leur valoir un retour de manivelle inattendu. En 1991, l'armée US va utiliser ce titre pour motiver ses troupes durant l'opération Tempête du désert en Irak. Il y aura même des bombes avec l'inscription Rock the Casbah dessus. Quand Joe Strummer apprendra ça, ben, lui qui est profondément pacifiste, mais il sera complètement effondré. Même choqué qu'il n'ait pas compris le sens des paroles, quoi. Sur cette note joyeuse, passons aux reprises. On commence par une version bossa nova brésilienne de Taryn Spielsman, et c'est la chanteuse de la Reine des Neiges en version brésilienne. Now the king told the boogeyman, you have to let a rocket drop, the oil down the desert way has been shaken to the top. The shaky drove his Cadillac, he went cruising down the veil. The musing was standing on the radiator grave. Shabby don't like it, rockin' the Casbah. We paint the boogie sound, we generate the faithful, with that crazy Casbah sound. But the Bedouin, they brought out the electric camel drum. The logo gather bigger, got the skid a breaking thumb. As soon as the sheriff had cleared the square, they began to wait. Shawty don't like it, rock the Casbah, Shari don't lie, yeah. Rockin' the Casbah, rock the Casbah. Now over the temple, oh, they really pack him in. The crowd say it's cool to dig this champagne thing. But as the wind changed direction, temple bent took fire. The crowd pulled away off that crazy Casbah jive. Shari don't like it, rockin' the Casbah, rock the Casbah. Shari don't like it, rockin' the Casbah, rock the Casbah. The king called up his jet fighters, he said, you better earn your pay. Drop your bomb between the minarets, drown the Casbah away. As soon as the sheriff was shepherded out of there, the jet pilots tuned to the cockpit radio play. As soon as the sheriff was out of their hair, the jet pilots waved. Shari don't like it, rock Casbah, rockin' the Casbah. Shari don't like it, rockin' the Casbah, rock the Casbah. Shari don't like it, rock the Casbah, rock the Casbah. Shari don't like it, ooh, rock the Casbah, rock the Casbah. Ensuite, c'est une version de Cocornalo, un groupe originaire de Buenos Aires, et c'est un style que les Clash aiment beaucoup, c'est du reggae. Cadillac, and with that crescent down the wheel, the C'est une version de Hellspet, un groupe de ska punk qui, comme son nom l'indique pas, est italien. Now the king told the boogeyman, you have to let the ragged drop. The hole down the desert way has been shaken to the top. The shake drove his Cadillac, he went cruising down the we'll be right back. continue avec une version de Rachid Taha de 2004, une version qui plaît énormément à Mick Jones qui l'accompagnera sur plusieurs concerts, et c'est d'ailleurs un de ses lives que je vous passe. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. J'ai testé de laisser les reprises en entier cette fois, alors ben, vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez me contacter sur Twitter, @yannickdoc ou @82bpmpodcast. L'émission est dispo sur PodCloud, sur iTunes, sur YouTube, sur PodRadio. Vous retrouvez tous les liens dans la description de l'épisode. Et je vous laisse sur un live de d'octobre 1982 au Shea Stadium. A bientôt! To the top, shake it. This cool boy, to think that charms ain't this. But as the wind changed direction, the temple back to fight. Wow, got a win of that crazy gaffa. So we found like it, rocking the Casbah. Casbah, the Casbah.